Énergie, salut tout le monde. Bonjour, content de vous retrouver, c'est Cédric ouais, sur Énergie, 4h. Jeudi 29 novembre, on se fait la playlist Énergie avec 3 cafés gourmands. Et puis c'est reparti, le meilleur de Mickaël, le Rico Choco et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit bout de gnole, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits-enfants de ce joli coin de France. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Bon, il y avait plus de 4 heures sur Énergie. Salut tout le monde, bon réveil, c'est Cédric, j'espère que c'est là ce matin. Content de vous retrouver, oui, là, au bout de la nuit, avec la playlist Énergie. Bad Bunny, Offenbach, George Ezra, ça c'est la suite pour vous ce matin. Puis le meilleur de Mickaël, avant de le retrouver à 23h ce soir sur Énergie avec toute l'équipe, voici le meilleur de l'émission. On va jouer au jeu du perroquet. T'es là, Jimmy? Oui. Jimmy de Rennes, jeu du perroquet. Maintenant, tu vas affronter qui, Jimmy, au jeu du perroquet? Allez, top. Ah, elle est tough, oh, au hasard. Bizarrement, dis donc. Le hasard. Très bien. Jimmy, le principe est très simple. On va appeler des gens au hasard aussi, justement. On va appeler au Canada, rapport au décalage horaire, ce sera plus facile pour que quelqu'un décroche à cette heure-ci. Et le but, c'est que tu lances un sujet. La personne va dire allô, tu dis allô, et là, tu peux dire n'importe quoi, je vous appelle pour je sais pas quoi. Et à partir du moment où la personne va répondre, il va falloir que tu répètes exactement ce qu'elle dit, mot pour mot. Ok. D'accord. Très bien. Ok, ça marche. Celui qui arrive à tenir le plus longtemps sans se faire accrocher au nez entre Toff et toi gagne. Jimmy. Ok. Tu commences ou Toff commence? Bon, allez, honneur à Toff. Allez, honneur à Toff. On y va. C'est parti. Quelle Jimmy, générosité. Je te mets de côté. Le jeu démarre maintenant. C'est parti. Hello. Oui, allô. Oui. Oui. À qui désirez-vous parler? À qui désirez-vous parler? C'est moi à vous demander ça. À qui désirez-vous parler? C'est moi qui vous demandez ça. À qui désirez-vous parler? Paf, 12 secondes. 12 secondes, c'est pas le score le plus ouf. Le plus ouf. Hein. Bon, Jimmy. Oui. Bon, c'est pas mal. 12 secondes de score à battre. Quoique la dernière fois, c'était également 12 secondes. L'auditeur a fait 11. Hein. Ouais. Ouais. Donc, méfiance quand même. Jimmy. Ouais. À toi de jouer, gros. Ouais. Allez, t'as vu, elle était autoritaire, la meuf hein, qu'on a eue. Bah, ouais. C'est pas démonté. Hein. Alors là, rien à foutre. On y va, on appelle. Jimmy, sois bon. Je verrai bien 18 secondes pour Jimmy. Oui, allô. Oui, allô. Oui. Oui. Allô. Oui, allô, à qui je parle? Oui, allô, à qui je parle? Allô. Putain, 18 secondes! Oh la vache! Qu'est-ce que t'es trop fort, Michael. Non, mais c'est surtout que je devrais jouer au loto, bordel. Ah bah oui. Eh bah bravo, Jimmy. Eh ben c'est gagné du coup, 18 secondes. Et ce que t'as pas entendu, parce que j'avais poussé sur le bouton pour que tu nous entendes pas justement, c'est que j'avais pronostiqué 18 secondes. Donc je suis quand même plutôt content du pronostic là. Pas mal. Bah bravo Jimmy, jeu vite fait bien fait, mais c'est gagné, c'est le principal. Bah avec plaisir, on prend tes coordonnées et puis voilà, pas de problème. Salut Jimmy. Salut Mickaël. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de ir, ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más, dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. Hasta un bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high, el terno favorito de tu mic, el casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Énergie, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien ce matin. Bon réveil tout le monde, on est jeudi tranquille, là qu'on passe ensemble sur Énergie avec la playlist Énergie. On va écouter Offenbach et George Ezra et ce soir le Rico Show sur Énergie de retour à 20h. Il y aura Kenji dans l'émission et voici ce qui s'est passé hier soir sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Et oui les amis, on aura aussi Ritza qui va arriver. Tiens, à partir de 22h, on va se faire un grand kiff avec lui, ça va être énorme. Et puis on parle justement des animaux. On a Marie qui a rencontré un nouveau mec, c'est le coup de foudre. Problème, il a peur des souris. Est-ce que vous déjà vous avez été embêté avec les animaux et des nanas, tiens? Ah ouais, moi j'ai eu un truc de ouf. Ouais. Bah, une fois j'étais avec une nana, tu vois, on faisait un petit câlin. D'accord. Et en fait, il y avait un chat sur le teco, tu vois. D'accord. Sur à côté. Ouais, il s'est perché sur ta branche. Non, attends, un truc de ouf. Et à un moment donné, bah voilà, les ébats étaient de plus en plus forts. D'accord. Et là, le chat, il a eu peur, il m'a sauté sur le dos. C'est pas, aïe, t'as l'accès sur le dos. Ah ouais, mais j'avais un chat, j'avais, en fait, j'étais pris entre deux chats, quoi. C'est pas. Entre deux chats. Non, mais c'est vrai, je te jure. J'avais un chat dans le dos, j'avais un chat. C'était le big chat au McDo. Ah ouais, c'était chaud. Putain, c'est fort. Ah ouais, impossible. Et j'arrivais pas à le sortir. C'est pas vrai. Je le tirais par. La queue. Ouais, sans faire exprès, tu vois. Du coup, Brigitte. Forcément, le chat, il a gueulé un petit peu. Ouais, il a couiné. Ah ouais, putain. T'as vu, Marie, il y a pire, Marie. Oui, oui, c'est clair. Bon, mais toi, c'est les souris qui font peur à tomber avec toi, JM. Moi, j'étais un peu comme le collègue de Marie. J'arrive chez une fille et tout, tu sais. Ça faisait 2-3 fois qu'on se voyait. On avait commencé à passer à la chose, aux choses sérieuses. Ouais. Et là, je vois quoi? 4 chiens, 3 c'est chats, 3 ci, 3 là. En fait, j'ai jamais eu d'animaux de compagnie, ouais, tu vois. Donc, je suis pas le plus grand fan des animaux. Je kiffe, tu vois, mais de loin. Oh putain, ils sont venus. Il y en a un, il m'a léché le pied. L'autre, il m'a laissé un truc. Elle m'a rien léché du tout. Je suis reparti chez moi. Je te jure que c'est vrai, j'étais pas bien d'angoisse. Moi, j'avais invité une meuf chez moi. Elle avait un sac de marque. Et j'avais un petit chien, toi, un petit King Charles. Il est arrivé, putain, il lui a griffé le sac de marque. Tu sais, il arrive, il veut lui sauter à hauteur des genoux. T'as sa griffe, je peux te dire. Derrière, ça fait la gueule. Tu proposes la peau de banane. Qui ne fait évidemment rien. Évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être une angoisse, les animaux, de temps en temps, même s'ils nous apportent tellement. Ah non, ils sont mignons, mais moi, ça a toujours été un critère. Moi, mon mec, il faut qu'il ait pas d'animaux. Ouais. Moi j'ai déjà plaqué des personnes parce qu'ils avaient des animaux. C'est des pas, chiens. Ouais. J'adore les animaux, hein. Ouais. Mais pas. Ouais, mon moyen, non. Là, tu peux pas. Ouais, non, mais non, mais je peux pas vivre avec un mec qui a des animaux. C'est tu pas peux pas. Non, je c'est peux pas. Pas. C'est pas possible. Arrête. Non, je te jure, ça bave, ça sent, ça renifle. Non, mais parce que comme lui, tu vois, il y a animaux et animaux. Il y en a, ils ont des animaux, des chats, des chiens. Il y en a, ils ont des serpents, ils ont des cygnes, des lapins. Il y en a, ils abusent. Ah, ça fait peur. Et puis moi, je me rappelle d'une relation avec une nana, elle avait un petit Yorkshire. Et le petit Yorkshire, quand on faisait l'amour, il voulait jouer à Motus. Sans arrêt, s'il n'était pas attiré par une boule, il n'était pas bien. Il voulait touiller. Non, mais c'est horrible, ça te met un stress terrible. Marie, moi, ce que je te propose, je pense que l'histoire, elle est simple. Si tu l'aimes vraiment, que ce mec-là, que ça fait 2 mois et que c'est le coup de foudre, bah, les souris, tu peux peut-être les déléguer à quelqu'un de ta famille. Il y a bien quelqu'un qui va te récupérer les souris, là. Bah, c'est un petit peu dur, et puis bah, j'y tiens, quoi. Aussi, ouais, je comprends, mais. C'est une histoire, quoi. Mais tu tiens pas à ton mec aussi, s'il en. Bah, si. Bon, essayer de trouver un compromis. Tu peux pas faire une pièce dans laquelle il peut pas accéder. Ouais. J'imagine que t'as peut-être pas un château, mais tu peux pas mettre les souris quelque part là, parce que tu vas pas tuer une relation pour 6 souris. Bah, sinon, tu mets un chat là-dedans, hein, tu vois. Il va faire des ménages. Mais non, mais attends, pourquoi pas l'inverse? Pourquoi c'est pas lui par amour qui ferait des concessions aussi? Moi, je pense qu'il y a un truc à trouver. Bah, oui. Une pièce, tu sais, une pièce, un petit bureau, un truc où tu vas laisser les souris. Elles sont en liberté, ces souris, Marie? J'espère pas. Parce qu'elles sont dans une super cabane, quoi. Elles sont, voilà, c'est vrai. Souricière. Tu pourrais trouver à la limite une pièce. Ouais, une pièce. Bah oui, il faut trouver une pièce. Attends, t'imagines, il y en a, ils ont des angoisses avec des chats parce qu'ils sont allergiques aux chats. Ouais. Et là, t'accueilles une meuf chez toi et allergique aux chats. Ton chat, il a 5 ans. Il va vivre encore 10 ans, voire 15 ans. Et ta meuf, elle arrive, elle te dit, je suis allergique aux chats. Ouais. Tu fais comment? T'es en angoisse. Non, mais c'est vrai. Non, mais si t'as 6 souris, ce que tu fais, c'est que t'en gardes 2. Tu les appelles Mickey et Minnie, tu les mets dans les châteaux et c'est fini. Ouais, t'es pas là. Sinon, j'ai une autre solution. Je t'envoie Malik pas loin et vu le nombre de dents qu'il perd, elles sont toujours occupées. Marie, essaie de trouver un compromis, tu nous tiens au courant. Ok, Marie? Ouais, pas de soucis. Allez, on te fait plein de bisous. Merci d'être passé, Marie. On va te faire un petit cadeau. Moi, je pense que le compromis, c'est bon. Oui. Un peu d'amour de chaque côté et on dépasse les montagnes. Oh, et oui. Et puis, la souris. Hein, par rapport à la montagne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a une histoire avec la montagne. Elle a grimpé la montagne. Non, les gars sont très bons en proverbe. Ouais. Hein, la souris et la montagne. Ah ouais, la souris et la montagne. Il y a un petit proverbe, les amis. Tiens, recherchez, appelez-moi. 0870 42 48. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Ah, moi je l'ai. T'envoies la souris qu'elle se casse, non? Non. J'ai la souris verte qui courait dans la montagne. Non. Oh, ils sont cons, ceux-là. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. This is a Prada jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah. You're smiling, taking my baseball cap.

Bonjour madame, j'appelle pour la maison Bonjour. Qui est à vendre. Oui. Voilà, donc du côté de la rue Georges Brassens. C'est ça. Alors écoutez, il se trouve que je veux absolument avoir cette maison. Je suis sosie vocal et officiel de Georges Brassens, je suis Georges Brassé. Bonjour madame. Oui, bonjour. Voilà, je vous sens rire là. Non, pas du tout. Si, vous avez ri juste avant quand je dis que je suis... Ah non, pas du tout. C'est pas plus mal. Alors, j'appelle pour en savoir plus sur cette maison. Oui, bah écoutez, elle fait 150 mètres carrés. Très bien. Voilà, il y a 4 chambres. Très bien. Salon ouvert sur... cuisine ouverte sur le salon. Très bien. Il y a un double garage. J'ai d'autres questions, je vais vous les faire en chanson. Puisque finalement, tout passe en beaucoup chanson. Mieux en chanson. Je veux faire une acquisition dans la rue nommée Georges Brassens. Mais j'ai pas d'argent sur mon compte, j'ai plus une thune et c'est ça qui coince. Je veux un crédit. Le montant de la maison, c'est combien? 300 000 euros. Vous riez? Non, c'est original. Très bien. Donc vous me dites le prix, pardon, redites-le. 300 000. Je veux acheter cette maison car je suis fan de son adresse. File-moi les clés et mange-toi le fion que je puisse y poser mes fesses. Faut que ça aille vite. Est-elle disponible rapidement? Vous riez? Non, pas du tout. Si, j'ai l'impression que vous riez. Non, excusez-moi. Écoutez, vous voulez pas. Vous êtes vraiment sûr de vouloir l'acheter là? Bien sûr, je suis prêt à la visiter. Cela va de soi quand vous le voulez. Ah ben demain. Demain éventuellement, d'accord. Si c'est possible demain, bien sûr. Bien sûr. Ça sera avec mon mari par contre. Ah, écoutez, vous avez l'air sympathique dans la famille. J'aime déjà cette maison. Et vous savez pourquoi j'aime cette maison? Non. Parce que c'est ici que je veux habiter. M'envoie pas dans la rue, Jacques Brel. J'espère que t'as bien écouté. Sinon, je te mets un coup de pelle. Tu m'as bien compris. Je crois que je vais vous laisser, par contre, parce que là, je suis un petit peu occupée. Et je pense que, de toute façon, ça va pas marcher, je crois. Pourquoi? Je vous sens pas très sérieux, sur le coup, mais... Eh bien, vous avez tort, madame. Ah ben, c'est pas grave, écoutez. Vous avez tort, madame, est-ce que vous... C'était pas pour vous faire rire, ce que vous dites me fait du mal. Je suis vraiment désolée, mais voilà. Je crois que ça va pas être possible. Mais écoutez, madame, ça va pas être possible non plus, j'en ai la moustache qui se décolle, et ça ne me plaît pas du tout, ce rapport que vous avez. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Eh bien, je ne vous dis pas de même. À bientôt, madame. Vous avez raccroché? Elle est forte, elle est très forte, elle est très bien. Elle est gentille. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, les photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard, et je comprends pas.

Je ne suis pas un imitateur, je suis la voix. Oh, il fait ah, putain. Honte, là, j'ai cette espèce de sentiment, tu vois, qui te remonte. Tu sais, t'as des frissons, t'as envie de vomir, ça te gratte le cul, tu vois. Voilà. Je suis Amina pute, bien. Je suis pute que Amina ait fait ça exprès juste pour que Polo ouais. soit énervé. Je suis pas bien là. Du tout, je c'est pas ça, rien. Ouais. On va lui offrir une place pour un spectacle d'imitation. Il y en a plein à Paris. Tu crois que je vais y aller jamais, je sais. Bah, attends, si elle t'oblige, je rappelle que vous avez un iguane et un chat en commun. Oui, et qu'on a dormi dans le même lit à Miami. Et que vous avez dormi dans le même lit à Miami. On n'a pas d'iguane. Pas de chat et je n'ai pas dormi dans ton lit. Nous avons dormi dans le même lit, c'est vrai ou non, pas? Non, c'était un lit parce que j'ai été expulsé. Non, bon, c'est un peu compliqué. On m'a volé mon matelas, bon, je peux pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on a dormi dans le même lit, c'est et ça qui est intéressant. J'ai disparu pendant une semaine, je suis revenu, Amina n'était plus là, j'ai dormi dans le lit. Toff m'a lavé le lit. Oui, bah, le lit entier. Il a tout. je l'ai astiqué. Exact. Et donc voilà, mais on n'a pas dormi dans le même lit. Bon, quasi. Si, on a dormi dans le même lit, exactement. Bon, d'accord. Mais pas enfin, en même temps, mais. Non, voilà, c'est voilà. Ça. Au grand regret d'Amina, oh, hein, oui. qui est très triste d'ailleurs. Enfin, bref. Ça m'a gâché mes vacances. Bon, et la voix, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Eh bien, écoute, pas grand-chose, apparemment. Ah bon? Eh ben, écoute. Bah, on sait pas surtout ce que vous voulez. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, la voix? Mais apparemment, la voix ne plaît pas à une certaine personne. Ah non, non, c'est Polo, c'est pas une certaine personne, tu peux la citer. Polo, et tu fais pitié, mec, en fait. Non, moi, j'aime bien, il me fait rien. Y a rien de drôle, il est nul. Non, mais il me fait rire aussi, bon, c'est hard. La voix mais... pense que Polo s'est levé un peu du. Non, non. Du pièce, non, non, je, non, non, il s'est levé du même que d'habitude. Ouais. Je me lève du même. Toujours les deux mais... en même temps, les deux en fait, mêmes. Ce que tu comprends pas, en fait, c'est que vous êtes tellement con en fait, qu'on est énervé. En fait, tu vois. Regarde, même Amina, elle est en train de taper avec sa bouteille, là, putain, non, la voix. Va. Arrête ton cinéma. Non, franchement, ça passe. Vous êtes des cons en fait, voilà. C'est... Mais je suis juste triste de voir qu'on est privé de l'histoire de la voix à cause de Polo. Oui, non, parce que Polo ne supporte pas les imitateurs. Non, mais qui raconte ça à son histoire. Bon, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, la voix, la voix. La voix enfin, c'est une histoire de merde, vous voulez rajouter Polo. On va prendre la voix à sa place, au pire, là, ça va être un petit peu mieux quand même, non? De quoi? À ce moment-là, vous virez la voix, vous virez Polo et vous prenez la voix. Mais t'inquiète pas. Là, on peut faire un vote? Ouais. Qui préfère la voix, qui préfère Polo? T'inquiète pas, on y arrive à tout ça. Un jour, on sera plus là, tu feras le malin. Oh, tout de suite, ça y est. On y arrive. Bon, pardon, donc du coup, Mike, toi, raconte ton histoire et dégage. Taf. Ben moi, ce que je propose, c'est que la voix rappellera pour raconter son histoire, pour faire chier encore un petit peu pour l'autre. Mais tu me fais pas chier, je m'en fous, c'est mon métier. C'est ce que tu veux, je suis là. Enfin, tu vois. Et plus je parle, et plus j'ai l'impression de te faire chier. Alors je vais. Non, mais tu fais pitié. Mais raconte ton histoire. Allez, la voix. Attends. Il y a juste un tweet qui vient d'arriver qui dit la voix, trois petits points. Ça atteint un niveau de gênance tellement haut. Ah bah ouais. Et je t'en meilleur. Il y a plus cette merde. Non, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ah, c'est terminé. Ça y est. Ouais. Ah bah voilà, bah désolé hein, la voix. Trop cher. Bon du coup bah voilà, écoute, je pense que tout est dit hein. Et bah voilà, et puis C'est tout pour le moment. Merci. Allez, au revoir. Bah écoute, avec grand plaisir. Tu rappelles quand tu veux hein, Polo sera ravi. Ah oui. Ah bah la voix est déjà partie. Il attend ton appel avec... Ah merde, il est déjà parti. Il attendait son appel avec impatience. Pourquoi le mec il dit pas voilà, c'est François, voilà, il m'est arrivé ça. J'ai une voix de merde. Pourquoi tu dis c'est la voix. Tu le fais très mal, pardon. Non mais bien sûr, mais moi je suis pas un imitateur, tu vois, je prétends pas être un imitateur. Si, il y avait Homer Simpson qui l'avait bien fait. Non, j'ai imité Toff, moi. Oui, bonsoir. Ah oui, ça fait des années que tu pratiques aussi. Ah oui, ça c'est hors catégorie, ça on peut pas. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Lire sous ses paupières déterminée, elle agit, elle ne parle pas, y'en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Comment gérer sa vie charismatique. Magique. Elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Tout assumé. Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va ce matin. On va écouter Kaiser Panda dans la playlist Énergie. C'est pour Ophélie, elle est à Lyon ce matin, elle bosse de nuit, voilà, dans un hôpital. Elle est déjà au boulot avec Énergie dans les oreilles, ça c'est bien. Kaiser Panda, Imagine Dragons, ça arrive avant de le retrouver à 20h ce soir avec Kenji dans l'émission. Voici le Rico Show sur Énergie, le meilleur, c'était hier, écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Allez les amis, on accueille Sarah Dublade. Ouais. Chez Pac. Oh là là, qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Bonsoir la blédarde. Oula. Oh là là. Pas sur lui, petit tam tam. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe la Bonsoir caloche. Bonsoir à tous. Très salut, énervé. Bonsoir Ritza. Par contre le tam tam peut-être tam-tam, pas. J'en peux toi, plus. Toi. Arrête un peu. Il y a un mec qui fait des travaux derrière. Ritza, tu la ramènes pas. C'est bon, je suis là. Tu sais très bien ce que t'as à te reprocher. C'est pour ça qu'il a mis la casquette pour pas avoir le visage de la culpabilité. Ouais, surtout la mocheté. Bref, je suis très énervé contre Ritza. Jkounedek, c'est moi, je suis énervé contre toi, tu dis pas mon nom comme il faut. Ritza, Jkounedek, c'est qui l'a fait à côté de toi. C'est une chanteuse. Bonsoir, madame. Bonsoir. Elle s'appelle comment? Eva Guess. Oh, c'est ma guess. Eva Guess de quoi? On est à l'américaine ou quoi? Ce sera Eva Ré déjà. Bref, Ritza, tu m'as déçu. T'as attendu que je parte au bled, tu m'avais promis un feat, tu te souviens? C'est vrai, c'est vrai. Pour faire le feat avec. T'étais pas là. Avec Redija? Pourquoi? C'est pas Redija, c'est Eva Guess. Si, c'est Redija. De toute façon, tous des menteurs dans ce milieu. Dadju, il m'avait promis, Faudel, il m'avait promis, même Francis Lalanne, il m'avait promis faut rien. Que tu, faut que tu te remettes en question. Bah écoute, je prépare mon deuxième album, éponyme. Ah, hein, et le premier, c'était quoi? Éponyme. Où je vais dénoncer tout ce show business de menteur. Et j'ai fait une chanson sur toi, Ritza, où je te dénonce. D'accord. Voilà, j'ai repris Aïcha de chez Khaled, que tout le monde connaît, et je vais l'interpréter. Attention. Très bien. C'est parti. Sarah Dublade dans le Rico Show sur Énergie, 20h, 23h. On est en direct sur Facebook. Profitez, elle est là, la blédarde. Ouais. C'est parti. Et tape la vibe, Eva Khadija. C'est parti. Ouais, ouais. Comme si je n'existais pas. Non, rien. Il a fait le feat avec Eva. Ouais. C'est qui elle? Je la connais pas. Pas Longoria, mais Redija. Ah ouais. Oh. Il m'a dit Sarah, arrête la chorba. Il m'a dit quoi? Un feat avec toi, jamais de la vie. Tu m'as dit ça et tu m'as dit quoi encore? Je préfère chanter avec Laurie. C'est vrai? Ah oui. Même si tu me payes 10 000 dinars. Il m'a dit ça, je te jure. Je préfère chanter la danse des canards. Ah oui. Oritza, Oritza, dis-moi pourquoi. Ah ah, tu ne veux pas faire un feat avec moi. Oh oui. Oritza, Oritza, je te ferai les vibes. Ah ah ah, Oritza, Oritza, écoute ça. Ah ah ah ah. Oh merde, oh non. À toi Eva Khay, déjà concours de vibes. C'est moi qui te fit. Voilà, ah, je suis le futuré. Je suis énervé. Je suis énervé. Voilà. Oh là là, la force, oh la puissance. Ah oui, ah oui. C'est moi. Putain, comme quoi la gênance existe même au bled. Et toi. On t'aime, Sarah. C'était bravo. Très bien. Bravo, hein, on sent la colère. Ritza, ça va pas, elle est colère. Ouais, peut-être pas dû rentrer du bled. Ah ouais. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth. The truth. Suéltate el pelo y salta de la calle. estamos ready. La noche muy larga, así que vamos a quitarnos todas las ganas. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mulher. Y si no, pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balcón. De noche me floco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de fe, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente me echa, Bogotá para rumbear y Bogotá para danzar. No llego todos a Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero un ritmo sin ley. Papi, Pipura, vamos a romper. Sur Énergie, c'est Cédric. Jusqu'à 10 000 euros à gagner dans le Cash Cash Énergie chez Coé tout à l'heure à 17h30. Ouais, ce sera après votre journée de taf ou de cours. Inscrivez-vous, vous envoyez Coé au 7-10-12 dès maintenant. Vous allez peut-être gagner tout à l'heure. En attendant, c'est le meilleur de l'émission. Et derrière, pour vous, dans le Playlist Énergie, ce sera Jane. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Voici le top 5 de ce qu'il ne faut jamais dire à un homme qui a une panolie. D'abord, je suis désolé si tu es la seule de cette équipe. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé? De quoi? Que mon homme est une panolie? Elle est claire ma question. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Menteuse. Jamais? Non, jamais. Tu déconnes, tu es tombé que sur des champions? Ah si, ça m'est arrivé il y a très longtemps. Très ça y est, longtemps. Au bout de 30 secondes, ça est arrivé. On revient demain, ça lui arrive tout le temps. Non, ça m'est arrivé. Le cerveau. Mais j'étais plus jeune et effectivement, la première question que tu te poses, c'est de ma faute. Voilà. Eh bien là, voici la question qu'il ne faut surtout pas lui poser. T'as pas envie de moi? Jamais, les amis. Ah non. Les filles, les filles ne jamais dire ça parce que déjà qu'on galère. Vous vous dites que si jamais, si jamais ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas de désir. Dites-vous que quand l'homme va voir ça, qu'on lui dit tu ne m'aimes pas, il aura une double peine. Oui. Bah, pas une double, rien à voir avec les pattes. C'est une double peine. Parce que, le fameux c'est pas grave, ça peut arriver. Non, les filles, vous donnez l'impression d'avoir pitié. Donc, même si l'intention est bonne, retenez-vous parce que c'est maladroit et ça culpabilise l'homme encore plus. Le fameux. Tu me trompes? Non, pas de conclusion hâtive, laissez la police faire son travail. Qui peuvent être destructrices pour l'homme. Destructrices pour l'homme. Sinon, à chaque rapport, il va penser qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il sera accusé d'adultère, il va être bloqué. Ce sera encore pire. Attention, phrase à ne pas dire. On va y arriver, coûte que coûte. Alors écoutez-moi bien. Non, la vache. Si le métier de coach zizi n'existe pas, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Sinon, on envoie Pascal le grand frère si ça marchait. Ne dites pas non plus cette phrase. Bon. Ça vient là? Non, ça va nous angoisser, ça accentue le sentiment d'insécurité. Un homme qui n'est pas rassuré ne peut pas être excité. Le fameux « j'ai pris rendez-vous pour toi avec un spécialiste ». Alors là non, parce que s'il est forcé, il ne va pas se confier et il ne voudra pas avoir de solution. En clair, il faut que ça vienne de lui. Donnez des indices à votre chérie, les filles. Montez le son de la télé quand il y a les écrans pubs. Prostamol, vous n'avez plus d'excuses. Voilà, oh tiens chérie, t'as vu la pub qui passe en ce moment? C'est peut-être pour toi. Et le fameux « c'est pas normal. Alors non, alors, dire à un homme qu'il a des problèmes d'érection, qu'il n'est pas normal ou que ça fonctionne pas normalement, c'est porter un coup de massue fatal à la libido. Ouais. C'est vrai ça, hein. Oui, mais on sait pas comment ça marche, nous les filles, donc c'est pour ça. Mais nous non plus, si on savait comment ça marche, on le ferait réparer. C'est clair. On appellerait une hotline, le gars nous dirait oui, bonjour monsieur, va, tu vois, des gars qui nous diraient ce que vous avez rebranché, débranché, ce que vous avez remis à zéro. Soufflez sur la prise. Ce que vous l'avez débranché du secteur, enfin les banalités qu'on entend. Non, moi je dis le mieux c'est de parler d'autre chose. C'est ça que le mieux. C'est de lui sortir sa frustration de la tête et ça reviendra tout seul. Ou alors les filles, je vous donne un autre conseil. Oui. Vous sortez une flûte, vous vous mettez devant lui. Prince Karma, ça marche bien. Avec un petit panier en osier. Et si là ça marche pas, je peux plus rien faire pour vous. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. For the first time in your life, you saw her, you could fly. For the first time in your life, you loved her, she loved you back. Dis-moi ce qu'on a fait. Et dis-moi.

Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. Énergie, oui. Météo. Tout à fait, avec une France coupée en deux ce matin entre le sud au soleil et le nord sous les nuages. Les températures de 3 à 12 degrés ce matin. Pour cet après-midi, le soleil remonte jusqu'au Grand Est. Ailleurs, ça reste gris. Les températures 8 degrés à Metz et Strasbourg, 11 à Lille, Dijon et Clermont, 13 à Caen, Brest, Nantes, Paris, Lyon et Bordeaux. Il y aura 18 à Toulouse, Montpellier, Nice et Marseille. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Manu dans 6-9 sur Énergie en direct à 6h et la playlist Énergie avec Aya Nakamura. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en telle. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a fâché. Je suis pas tout blanc bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Fresh one. waking up to ash and dust. To wipe my brow and I sweat my rust. Breathing in the chemicals. Oh, I'm breaking in, then shaping up, then checking out all the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones. You know, don't make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Don my clothes, said it's a revolution, I suppose. We'll paint it red to fit right in. Oh, I'm breaking in, then shaping up, then checking out all the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, oh, oh, oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, oh, oh, oh. I'm radioactive, radioactive. All systems go. Sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Vous êtes sur Energy, bonjour tout le monde, jeudi matin, hein, c'est Cédric. Vous allez vous faire un petit peu de thune hein, tout à l'heure, 7h05, 8h05, peine du double votre salaire, dont 6-9 d'Energy. Inscrivez-vous, energy.fr, vent son retour en direct sur Energy. On se fait David Guetta avec Bibi Rexha et le meilleur de l'émission, c'était hier matin, c'est sur Energy, écoutez. Manu dans le 6-9. Eh oui, c'est Manu sur Energy. Les infos de Glandu, c'est maintenant. Ah, attention, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose est de retour. Et on commence par remonter au temps des pirates. Quand le pirate Jean Lafitte apprit que le gouverneur promettait une récompense de $500 pour sa capture, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait le pirate? Bah, il s'est enfui. Eh ben non, il a promis une récompense de $5000 pour la capture du gouverneur. Ah. Et voilà, bim Jean Lafitte. Ah oui, mais enfin, c'est quand même. Tu peux pas le faire aujourd'hui ça. Non, non, aujourd'hui tu pourrais pas le faire. Mais les pirates étaient à la cool quand même. Hein. Bah lui, il attaquait, il pillait des navires au large des États-Unis, donc il avait quand même pas mal d'argent. Et quand il a appris ça, eh ben, il a fait imprimer plein d'affiches avec la photo du gouverneur en mettant une récompense plus grosse. Mmh. Et alors, il y a quelqu'un qui a été le. Eh ben, du coup, il a échappé à la capture. Ah non, le gouverneur a été protégé, je te rassure. Ah oui, quand même. Mais c'est il pas... a quand même échappé. Le gouverneur l'a un peu laissé tranquille après ça. Quoi. D'accord, il n'y a pas de moralité hein, là-dedans. Non, ah non, il n'y en a aucune. Non, d'accord, ok. On est pirates maintenant. D'accord. Il y a de morale là. Très bien. On continue, ça va te plaire. Une info beaucoup plus morale. Vous n'avez peut-être jamais croisé, mais il existe des chevaux miniatures guides d'aveugles. En alternative aux chiens guides d'aveugles. Alors je connais les chevaux miniatures, les mini chevaux. Ah, ouais. En fait c'est une race de chevaux. Ouais, il y a plusieurs exactement. Races de chevaux qui sont tout petits ouais. Comme, bah, comme les chèvres naines, etc. Et ce sont des petits chevaux mais qui vivent très bien. Ouais, mais ouais. Des mini chevaux. Exactement. Mais on trouve ça où? Tu trouves ça en mini chevalie, qui est un pays qui est pas très connu, hein, mais qui a le problème c'est que c'est un pays tout petit, puisqu'il n'y a que des gens petits dedans. Mais en guise de chien d'aveugle, ça va être compliqué parce que du coup ça fait popo souvent les chevaux. Et ben bah, oui. Ah, alors ça, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des inconvénients, c'est qu'ils doivent vivre à l'extérieur et ils ont besoin d'une écurie. Ouais. C'est que on doit les équiper de sabots antidérapants pour qu'ils ne glissent pas sur les carrelages. Ouais. Et il y a aussi le plus gros problème, c'est le puissant instinct de fuite du cheval. C'est-à-dire qu'il peut se barrer le cheval. Ah ouais. Okay. Donc, ça, c'est pas la meilleure idée. idée pour un non-voyant d'avoir un cheval. C'est pour cheval, les gens qui ont la phobie des chiens ou qui sont allergiques aux chiens. Et ben, il a fallu trouver une alternative. Oui, mais après, le mec, il rentre chez lui. Imagine, le cheval le raccompagne bien chez lui. Ensuite, le cheval, il faut aller le nourrir, il faut aller le mettre dans l'écurie, il faut lui. Il faut le penser, il faut le préparer. Donc, il faut une autre personne en plus. Quoi. Ah, je dis pas que c'est la panacée, hein, mais ça a quand même des avantages. Et l'avantage aussi, c'est qu'il vit 30 ans. Il vit 30 ans, donc beaucoup plus long que les chiens. Et après, je remarquerai, je veux pas foutre le bordel, mais que personne à aucun moment ne s'est dit tiens, si on faisait des chats d'aveugles. Ah oui, c'est qu'on est venu au cheval quand même. C'est vraiment que les chats n'en ont rien à foutre. Et pour finir, une bonne raison d'aller à la messe au Canada, puisqu'il existe un club de striptease qui se transforme en église le dimanche. Ça s'appelle le manoir, le club de striptease, et le service religieux a lieu tous les dimanches à 13h. Alors pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'en fait le pasteur faisait son office dans une petite salle qui était devenue trop petite pour ses 35 fidèles. Il a cherché donc à c'est une église protestante. Ouais, exactement. Il a cherché à s'agrandir et du coup il a été au manoir qui avait un espace pour les accueillir. C'est génial. Oui, mais enfin, il y a des horaires pour les stripteaseuses et la messe, j'imagine. Oui, voilà. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils expliquent que c'est un peu contraignant parce qu'ils doivent masquer tous les posters de filles nues et les affiches vont dans la bière à 3,50€. Mais je suis sûr que le striptease cartonne avec que des gens qui rentrent et qui disent c'est pour la messe. Hein. c'est pas le bon horaire? Je savais pas. Ah, vraiment, je suis désolé. Après, ce qui est encore plus chelou, c'est si un mec vient à la messe et qu'il se trompe d'horaire et qu'il fait un striptease. Ah ouais. Et là, le mec, il fait excusez-moi, mais regardez, là, sur la croix, c'est le même que moi. C'est chelou quand même l'histoire. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then Energy. to look down at you. Things gonna be city runs into my dreams. Darling, I look about the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Jane, mais elle a toujours les mêmes habits. C'était ma critique musicale. Ah ouais. Mais c'est vrai, c'est un peu comme Hulk. Hulk, il est toujours en vert. Oui. Et ben, Jane est toujours en bleu. Mais c'est pour qu'on la reconnaisse. Bah, tu me reconnais, j'ai pas toujours les mêmes fringues. Ouais, c'est vrai. Toi, oui, par contre, souvent les mêmes fringues. Non, arrête, je change. Je crois qu'elle en a plusieurs, hein, tu sais, Manu, hein, les mêmes. La bleue, la combinaison bleue. Ah, oui, mais c'est pire. Pourquoi elle achète tout le temps les mêmes fringues? Moi, j'achète deux fois les mêmes fringues, on me dit, putain, Manu, tu mets toujours le même pull. Personne n'ose le dire à Jane. Bah, c'est quoi? Injustice. Ouais. Injustice. En fait, c'est juste une grosse flemmarde, quoi. Elle sait pas comment s'habiller, elle a pas d'inspi, elle dit, tiens, j'achète tout dans la même couleur. Voilà, exactement. Bravo. Jane, alors que nous, quand on fait ça, on se fait juger. Voilà. Putain, tu mets encore le même t-shirt. Putain, t'achètes toujours 10 fois la même paire de chaussettes. Ouais, ouais, ouais. Sauf que Jane, elle, zip. Personne peut dire, juste parce qu'elle sait bien chanter. Voilà. Bravo. Et ben, il est où mon gilet jaune? Je sais pas. Bah si, je suis pas content. 5h55, même si je suis pas content, avant de démarrer l'émission dans 5 minutes, comme chaque jour, c'est le club du 555 pour se faire plaisir. On s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Aujourd'hui, ça fait très longtemps. Ce titre, c'est tellement le titre de genre « Je suis rebelle ». Ah ouais. Charlie XCX, « Break the Rules ». Ah, mais I don't want to go to school, I just want to break the rules. Je veux pas aller à l'école, je veux casser les règles. Oui, oui. Le clip, elle était avec des copines dans un school bus, là, tu sais, les bus d'école. Exactement. Et elle jetait dans le clip, elle jetait tous les trucs de travail, genre les. Allez, la disserte, on a rien à foutre, on la jette et tout. Ouais, putain, je suis à deux doigts de le faire, mais moi, non. Je le ferai pas. Mais j'écoute et je me dis, je pourrais le faire. Ouais, ouais. Charlie XCX sur NRJ, on démarre dans 3 minutes, c'est Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus sur l'énergie. Electric lights blow my mind, but I feel alright. I never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye, bitch, you wanna fly. I'm so alive. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. Sur Énergie, il est 6h, qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Énergie.